Cri urgent. Avec l'aimable autorisation du Grand Souffle Édition, le collectif d'artistes qui publie cette collection, et dont voici la présentation. Cette nouvelle collection s'est imposée à nous après la publication de la lettre anonyme de Gersand, avant de partir, ultime message d'une adolescente de 16 ans. Dans un monde collectivement menacé de tous les périls, où l'individu est réduit à une matière première, la vie à une exploitation industrielle de masse, la parole à un bavardage continuel. Que reste-t-il à un homme, à une femme, quand, dans leur existence la plus quotidienne, ils sont contraints à l'impasse? Le grand souffle ouvre ici un espace concret pour réapprendre à crier. Cri urgent, une actualité du dedans. Voici la présentation du cri urgent de Fabrice, 25 ans, passager clandestin. Le temps d'ouvrir les yeux. Il est probable que le paquebot humain s'enfoncera lentement dans sa nuit, sans sursaut, quelles que soient les menaces présentes et annoncées, projetés en permanence sur tous nos écrans, comme en rêve. Titanic, musique, pas de souci. Si le grand souffle accueille Fabrice, embarqué sans bagage dans cette époque errante, c'est qu'il questionne sans artifice, et même sans art, où a lieu en nous la jeunesse. Jeunesse, ce qui en nous ne se résout pas à la fuite, au sortilège organisé, au décervelage et à l'étouffement. Jeunesse, ce qui en nous a souci de la vie, et vivre, en premier lieu, c'est voir. Il n'y a pas encore de joie dans le cri de Fabrice, mais pas non plus de faux bonheur. Il y a, au seul oui naissant, oui au grand révolutionnaire qu'est mon cœur, un autre enfant du tocsin. Fabrice, le temps d'ouvrir les yeux. J'ai 25 ans. Je suis jeune. Je regarde le monde qu'on me propose. Au feu ce monde, aux flammes ce pays. On nous pousse à péter un plomb pour nous buter. Je vais le péter, le plomb, pour tout réduire en cendres. J'ai 25 ans et pas d'avenir, pas un sou en poche. Demain sera pareil. Tout ce qu'on me propose, c'est des boulots d'esclaves, sans satisfaction personnelle. Pas d'épanouissement, pas de vie. Lever, boulot, rentrer, t'es crevé, chaque soir, tu crèves, le cœur vide. Je suis un automate, tu es un automate, ta mère l'automate. Tu y participes, tu acceptes ces boulots de merde, tu consommes cette bouffe de merde, tu t'habilles avec ces fringues de merde, tu sors boire des coups sur cette musique de merde, tu vas au cinéma voir ces films de merde. Tu participes à ton propre esclavage, à celui de ton frère, de ta compagne, de ton père, de ta mère, de tous. Consomme. Sans thune, je ne consomme même plus. J'ai 25 ans. Pas de boulot, pas d'argent, pas d'avenir. Et ma mère m'en veut d'être un loser. C'est vrai que c'est mieux de bosser dans un bar, de midi à 2 heures du matin, d'avoir l'air d'avoir 35 ans alors que j'en ai 10 de moins, de faire la pute pour avoir 1 euro de pourboire, de se taper les alcoolos et les dépressifs, les macros et leurs poupées gonflables, les jeunes qui fuient déjà l'âge des responsabilités. C'est vrai que c'est mieux de bosser dans un magasin de fringues, d'être un raté scolaire, un inculte de la vie, papotant sur les virées en boîte. Putain, c'est si déprimant. J'ai pas de thunes et je les ferai ces boulots. Voir encore des années filer sans m'occuper de moi, sans respirer. Et quand, à bout, je claque la porte, je me retrouve dans la même situation. Retour à la case départ. Perdu. Si loin de mes espoirs, même les plus simples. Quelle époque de merde, alors que nos parents nous racontent comment, d'un claquement de doigts, ils avaient le travail dont ils rêvaient. Nous, on claque sous tes promesses, monsieur le président. Je vous comprends dans vos peurs, vos craintes. Tu parles, t'en as rien à foutre. On est des produits pour tes enjeux. on est des statistiques, trafiquées en plus, pour tes programmes que tu n'as jamais respectés. On est tes alibis, une poudre qui n'a besoin que d'une étincelle pour exploser, pour que tu puisses encore parler d'insécurité, pour qu'on soit l'incarnation de la violence, votre violence que vous ne voulez pas voir. Pays de fachos, fascistes envers les jeunes, on est juste des jeunes cons qui ouvrent trop leur gueule, mais on va vous défoncer, vous nous faites pas face, alors que vous avez autant de colère que nous, envers nous. Vous êtes des vieux cons, aigris. On a la vitalité, vous ne pouvez pas nous faire face, vous le savez. Alors vous nous envoyez les flics, bande de lâches. On est sans armes, sans armure, et on se lance à corps perdu contre vos pantins en armure, armés jusqu'aux dents, remontés et élevés comme des pitbulls. Notre arme, c'est notre flamme de révolte, et jamais on ne se taira. Enflammés, même la nuit, on rêve de révolution, d'un monde complètement différent. Oui, et ce n'est pas utopiste, ce monde existe, loin de vos enjeux d'orgueil, de vos vanités, vos envies de pouvoir démesurés. Révolutionnaires dans l'âme, la plupart d'entre nous sont prêts à y laisser leur peau. Pour abattre ce mur de répression, d'intimidation, tu crois nous pousser au sacrifice inutile, tu ne fais qu'enrager un plus grand nombre d'entre nous. Laisse-nous le temps, laisse la situation pourrir. Nous apprenons. Beaucoup d'entre nous, éclairés, vont devenir de fins stratèges. Certains d'entre nous, la sagesse, les dominants, vous renverseront pour un nouvel âge. Ta dictature ne peut que nous réveiller. J'ai 25 ans et je rêve de révolution. Je suis un loup, hurlant à la mort. Derrière moi, la meute, les nôtres, hurlant face à vos plans, vos lois, qui ne sont que l'arbre qui cache la forêt. CPE, loi sur l'égalité des chances, mais vous vous foutez de qui? Vous croyez vraiment qu'on va gober vos mensonges? Vous légitimez votre dictature. Vous faites de nous des faibles, vulnérables et dépendants des aléas de votre marché, de votre profit. On sera les victimes potentielles de vos sautes d'humeur, virées quand le patron le décide. Et si t'es sage, t'as droit à une lettre d'explication. Chaque jour, nous devrons être vos larbins, emprisonnés par la peur de déraper, de dire un mot de trop. Dictature de la peur, insécurité, violence, racisme, chômage, intégrisme, attentat, terroriste, racaille, répression, impunité zéro, prison, contrôleur, amende, endettement, tournante, brûlé vive, islam, juif, sida, grippe aviaire. Oui, la France a peur. Et un Oscar pour les médias, pour mettre en scène les plus beaux thrillers. Collabo. C'est dingue de regarder les infos aujourd'hui. C'est dingue de voir aussi que chaque bataillon de CRS a son équipe télé qui le suit comme des toutous. Ils ont choisi leur camp, c'est clair. Il n'y a pas de mystère. Ils n'ont pas choisi ceux qui pensent le plus, mais les plus costauds. Au moins, ils sont sûrs qu'ils ne vont pas perdre à la fin. Simple comme démarche. Après la guerre, ils sont dans le camp des vainqueurs. CPE, pour avoir le droit d'être un esclave. Mais pas le droit de s'exprimer. Une dictature invisible s'est mise en place, que vous appelez encore république. Mais la Marseillaise, seuls les jeunes ont le droit de la chanter devant les hordes bleusailles. Nous nous battons pour la liberté, puisque finalement le capitalisme l'a engloutie tel un glouton avide de dévorer tous les marchés possibles, pour que finalement on réalise que nous sommes la matière première nourrissant votre ogre. Cette image me fout en l'air. J'ai envie d'exploser, de tout détruire. Votre monde, notre monde, puisque nous y participons encore. Nous n'allons pas faire long feu ainsi. Encore une civilisation qui se mord la queue et qui va disparaître. Au feu, l'humain. Moi, je suis humain. Au feu, je me sens vulnérable face à ma condition. Je me sens sans soutien, sans aide, seul. Je suis sans filet, dans un état de survie très limite. Rien à manger, pas de moyens pour m'en sortir, pas d'avenir professionnel. L'impression que cet enfer n'est pas fini, constante instabilité qui me donne envie d'en finir, de tout détruire. Ce monde ne me porte pas, il ne m'écoute pas. Nous avons été abandonnés. Je ne ressens aucune compassion de ceux qui font loi sur nos vies. Je ne ressens que du jugement et de la condamnation. Je souffre d'être jeune et déjà un clochard dans l'âme. Cette souffrance leur fait peur. Peur d'être responsable. Peur d'être une solution. Peur de leur propre souffrance. Alors ils préfèrent la radicalisation. Un enfermement qui nous achève. Nous sommes les témoins privilégiés d'un suicide collectif, mondial. Nous participons tous au génocide de la race humaine. Nous ne discutons pas les vraies possibilités entre nous. Nous avons poussé le bouchon tellement loin que personne ne souhaite faire le constat, tant le boulot est énorme. Rien que le voir nous décourage. L'humain, perpétuel fainéant, perpétuel peureux, perpétuel inconscient. J'ai peur pour moi. J'ai peur pour nous. Je constate que je n'y crois que très peu. Pollution, enjeux économiques, mettant en péril 90% de la population. Terre, nourritures et eaux empoisonnées, guerres ethniques ou politiques, maladies ravageuses, catastrophes naturelles détruisant des villes mal adaptées. Je ne vois pas les chances de s'en sortir. Alors quand je proteste et que le policier en face de moi fait semblant de rien, me gaze si j'exprime ma colère de le voir ignorant, je ne peux m'empêcher de trouver cette vie absurde. Oui, si en plus on ne peut pas exprimer notre désarroi, si en plus on nous bâillonne juste parce qu'on dit la vérité, soit j'explose, soit je meurs. Mais si j'explose face aux flics, ils me flinguent. Si j'explose face au monde, on m'interne. Alors j'explose seul. Puisque c'est le seul espace de liberté qui me reste. Ma solitude, ou accompagnée de ce peu de gens capables de me recevoir, c'est mon seul temple. Je ne peux changer le cœur du monde, puisqu'il me bute dès que je m'exprime, et je ne peux faire semblant que tout va bien. Alors je craque, seul. Je souffre seul, puisque c'est interdit de souffrir. Ma révolution, seul avec moi-même. Il n'y a que mon propre cœur que je puisse changer, et la compassion pour le Premier ministre, qui craque à la télé. Il est moi, je suis lui, sauf que j'ai choisi mon camp, et qu'il est en face. Il veut ma fin, la mort par le silence, le génocide par la censure de vie. Mais que l'un d'entre eux ose remettre en cause notre colère. Nous sommes tous dans un état de survie matérielle et environnementale, et aucun gouvernement n'a même commencé à résoudre le problème. Pire, ils enfoncent le clou en nous proposant des conditions encore plus terribles, et accentue la pollution en autorisant le mélange culture OGM et naturel, par exemple. Oui, qu'ils nous contredisent. Mais non, ils ne répondent que par l'intermédiaire des médias, avec un cynisme si déplacé. Pour gouverner la France aujourd'hui, il faut être un enculé. Le pire. Et nous mourrons à petit feu. Sans espoir. Des états comme des vagues. Le haut de la vague et le creux. Et le creux est un grand désespoir. Où je sens que je me laisse aller. Je me laisse mourir. La grande dépression. Plus rien n'est possible. Le monde est trop fort. Il m'a battu. Je n'ai plus la force de me battre. Si c'est la mort qui nous attend, si on proteste, alors oui, j'ai perdu. C'est pour ça que je cherche autre chose. J'ai envie de vivre. J'ai envie de fraîcheur. De plaisir, je rêve de passion, d'excitation, pouvoir m'épanouir et m'exprimer librement. Mais bon Dieu, vous n'entendez pas que nous souhaitons simplement vivre normalement. Juste vivre. Librement. Et ce n'est pas l'impression que j'ai. Flics partout, contrôleurs partout, même en moi. Ces murs de CRS me hantent, obsédants. Ils sont le mur entre moi et la vie. J'étouffe dans cette condition. En cellule, puisque nous y sommes tous passés, j'ai réalisé qu'ils me poussaient à ne pas m'aimer. Je ne m'aime pas dans cette vie. Je culpabilise d'être qui je suis. Quelqu'un qui ne veut pas me plier à vos règles. Je suis, nous sommes, tous des délinquants potentiels. Dans le fourgon de CRS, en cellule, menottes au poignet, arrêté pour avoir manifesté, je me suis senti comme un fautif, condamné par ce que vivant. Tu n'as pas le droit de vivre ici-bas. Mange et tais-toi. Et retour au cercle vicieux. Si tu protestes trop, il te bute. Elle n'est donc pas là la solution. Comme en 40, le maquis nous appelle. Un maquis solitaire. Faire le constat de où j'en suis. Rameuter ceux qui ont une véritable envie de liberté. Liberté de soi. Si je ne peux pas changer le monde, je peux me changer. Changer ma perception du monde. On dit, le monde est miroir de qui on est. Si chacun savait l'utiliser pour soi-même, on avancerait déjà. La révolution par l'intérieur, la révolution par mon cœur, la rage et l'impuissance, un combustible au service de ma libération. Puisque le censeur est en moi, puisque le flic est en moi, que le collabo c'est moi, je ferai tout pour le transformer. C'est un tel vertige de constater que l'enculé est en soi. Je sens que seul mon cœur, par compassion pour moi-même, pour mes deux camps, le criminel et le répresseur, peut accueillir un tel constat de guerre et de cruauté. Oui, au grand révolutionnaire qu'est mon cœur, puisque le monde est un géant qui tend à me détruire, j'apprendrai à contourner ce géant pour qu'il touche lui-même sa solitude et sa condition. Juste, ne nous tuez pas trop vite. Laissez-nous le temps d'ouvrir les yeux.